t'apprendrai mes îles, je serai le marin, tu me suivras très loin. Je goûterai la chaleur de ton corps qui m'enivre. T'en fais pas, tout recommencera, tu seras l'aventure de chaque port. Le vent qui s'amoncelle sur ma fenêtre amène ta chanson comme une déchirure à l'ombre des voilures. Tous les oiseaux diront notre aventure au vent du large. Je me ferai sirène, te donnerai des ailes, voleront vers le soleil. De tes rêves, dans la brume océane, au bout du monde. Et je boirai le vin de ton amour qui m'enivre. Ne dis rien, oublie ton chagrin, tu seras l'aventure de chaque port. Le vent qui s'amoncelle sous ma fenêtre ramène ta chanson comme une déchirure à l'ombre des voilures. Tous les oiseaux diront notre aventure au vent du large. Je me ferai sirène, te donnerai des ailes, vogueront vers le soleil. Je te dirai